Julien Demeyer, Nicolas Pommet, Riyad Kera, Audrey Guélil, Yanis Djoudad et Clara Galivelle. Et bonjour Xavier Mauduit. Bonjour Guillaume Erner. Alors, ce cours de l'histoire aura-t-il lieu ? Il aura lieu avec des momies et avec des pharaons aussi. Nous nous intéressons à la fascinante Égypte, mais surtout à la passion française pour l'égyptologie, quelque chose qui a une histoire, cette passion française, et surtout qui nous fait rêver, Guillaume. Très bien, et à 10h, dans les chemins de la philosophie, ma camarade Adèle Van Rett recevra Édouard Philippe, un cours particulier en compagnie donc de l'ancien Premier ministre, le tour du monde de l'actualité internationale avec un retour de Birmanie chez le camarade Florian Delorme et le coup d'État au Mali. Et puis dans la critique de Lucille Comeau, il sera question de Petite Maman, le film de Céline Sciamma. 9h sur France Culture. Restez à l'écoute, voici le journal de Catherine Dutube. Bonjour Catherine. Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Un test sérologique avant de se faire vacciner permettrait d'éviter une seconde dose, car les personnes infectées n'ont besoin de se faire vacciner qu'une seule fois. C'est la préconisation de la Haute Autorité de Santé, bientôt suivie par le ministre Olivier Véran. À la une encore, la Chine dans le viseur des puissances occidentales pour ses violations des droits humains dans le Xinjiang contre les Ouïghours. Et puis les ministres des Finances de l'Allemagne, de la France, de l'Espagne et de l'Italie vont défendre un impôt minimal mondial sur les sociétés lors du G7 Finance qui s'ouvre aujourd'hui à Londres. Les Européens vaccinés contre le Covid pourront entrer en France à partir de mercredi prochain sans avoir à présenter de preuves de tests PCR négatifs. Dès le 9 juin donc, nouvelle étape du déconfinement avec par exemple la réouverture des salles intérieures des restaurants. Des tests encore, mais sérologiques cette fois, pourraient être pratiqués sur les candidats à une première injection de vaccin pour savoir s'ils ont eu le Covid. C'est en tout cas la recommandation de la Haute Autorité de Santé et le ministre Olivier Véran a déjà annoncé qu'il allait suivre cet avis. Une seule dose est en effet nécessaire pour les personnes qui ont déjà été infectées par le virus. Un test sérologique permettrait donc d'économiser de précieuses doses et des millions d'euros, Véronique Julia. La Haute Autorité de Santé recommande d'autant plus ce test sérologique que les adolescents vont bientôt se faire vacciner. Chez eux, on le sait, le Covid est souvent asymptomatique. Une partie d'entre eux peut donc l'avoir eu sans le savoir. Ils pourraient même être assez nombreux dans ce cas, explique la présidente de la Haute Autorité, Dominique Le Guludec. Plus de 22% des personnes en métropole auraient été infectées. Or, les cas identifiés par un test virologique ne représentent que 8% de la population. Pour identifier ces candidats et une seule dose, la Haute Autorité voudrait qu'on propose à l'entrée des centres de vaccination, si c'est possible, des TROD, des tests rapides. On prélève une goutte de sang et on a le résultat qui nous dit si on porte ou pas des anticorps en 15 minutes. Alors ces tests rapides sont-ils fiables ? Bien assez pour ce dépistage de masse, explique le pharmacien Gilles Bonnefond. Si la Haute Autorité de Santé avait un doute, elle aurait dit que ça ne devait se faire uniquement qu'en laboratoire. Ce n'est pas le cas. Les tests qui n'étaient pas fiables ont été éliminés. Donc il ne reste sur le marché que des tests qui sont fiables, hein, au-dessus de 95%. Les pharmaciens souhaitent pouvoir proposer ces tests aussi en officine avant toute première injection. Ce ne devrait pas être obligatoire, mais recommandé. Les études montrent en effet que l'efficacité vaccinale est meilleure après une seule dose sur une personne déjà infectée, même si l'infection est ancienne, qu'après deux doses sur une personne non infectée. Il est grand temps de trouver un accord sur ce sujet. Le ministre français de l'économie Bruno Le Maire et ses homologues allemands, espagnols et italiens plaident dans une tribune au Guardian pour un impôt minimal mondial sur les sociétés. Une tribune publiée en amont du G7 Finance qui s'ouvre aujourd'hui à Londres. Cette taxation minimale permettrait de lutter contre l'évasion fiscale et de financer les différents plans de relance post-Covid. La Chine dans le viseur des puissances occidentales ce matin, 32 ans après le massacre de la place Tiananmen. Pékin refuse toute commémoration et arrête des partisans de la démocratie à Hong Kong. Des partisans qui oseraient braver l'interdiction de manifester. Les États-Unis de Joe Biden sanctionnent par ailleurs de nouvelles entreprises chinoises accusées de soutenir les activités militaires de Pékin et de réprimer les Ouïghours. Cette minorité musulmane de la région du Xinjiang, victime de travail forcé et de torture, un groupe d'avocats et d'experts des droits humains entament aujourd'hui à Londres une série d'auditions pour dénoncer la machine à un mensonge des autorités chinoises. Au Nicaragua, l'assignation à résidence de la principale adversaire du président Daniel Ortega inquiète l'opposition. À quelques mois de l'élection présidentielle, en novembre prochain, le régime sandiniste de celui qui dirige le pays depuis 2007 et brigue d'ailleurs un troisième mandat consécutif a frappé de manière autoritaire la campagne en isolant Cristiana Chamorro, candidate indépendante et populaire, probablement la seule Olivier Pujade qui pourrait aujourd'hui remettre en question la réélection de Daniel Ortega. Il existe un vieux contentieux entre la famille Chamorro et Daniel Ortega. Pour les opposants nicaraguayens, Cristina est avant tout la fille de Violeta, femme politique qui, en 1990, a accédé à la présidence du pays en écartant l'actuel leader sandiniste. 30 ans plus tard, les vieux démons d'Ortega ressurgissent lorsqu'il voit se dresser devant lui Cristiana Chamorro, journaliste, présidente d'une prestigieuse fondation et porte-voix d'une grande partie des manifestants de 2018 opposés à une réforme des retraites radicales envisagée par le président. Une contestation violemment réprimée par les hommes de la police anti-émeute, ceux-là même qui hier, à l'aube, sont venus signifier à l'opposant de Chamorro son assignation à résidence. Dès l'annonce de sa volonté d'être candidate il y a 10 jours, des accusations pour blanchiment d'argent avaient été lancées contre elle, une farce macabre selon elle, une nouvelle attaque contre la démocratie pour l'Organisation des États américains, une manœuvre qui illustre la crainte d'Ortega d'affronter des élections libres et justes, d'après le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken. Un soutien de Washington qui rappelle celui accordé par les États-Unis à l'Union d'opposition nationale, coalition qui en 90 avait conduit à la présidence Violeta Chamorro. Quelques mots du temps de ce vendredi partagé entre orage et éclaircie. Les températures seront comprises cet après-midi entre 17 et 30 degrés du nord au sud. France Culture. L'esprit d'ouverture. Davantage de transparence et d'intégrité en politique, c'est la mission confiée à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Sur France Culture, politique, par celles et ceux qui la font, Hervé Gardette. Elle vient de publier son rapport annuel. Nous en parlons ce samedi avec son président, Didier Migaud. Politique, ce samedi à midi sur France Culture et sur franceculture.fr. France Culture présente l'exposition « Les origines du monde, l'invention de la nature au XIXe siècle » au musée d'Orsay. Le 19e siècle connaît un développement sans précédent des sciences, poussant l'homme à interroger ses origines, sa place dans la nature et sa propre animalité. Une exposition à la croisée des arts et des sciences qui confronte les principaux jalons des découvertes scientifiques avec leurs parallèles dans l'imaginaire artistique. Les origines du monde, jusqu'au 19 juillet, sur réservation, au musée d'Orsay à Paris. Un partenariat France Culture. Il est 9h06 sur France Culture, tout de suite le cours de l'histoire avec vous Xavier Mauduit, bonjour. Bonjour Catherine Dutu, bonjour à toutes, bonjour à tous. Le cours de l'histoire aujourd'hui profite de ce beau moment que nous attendions tant. Les musées sont ouverts, l'occasion de profiter des expositions et de nous faire plaisir avec cette passion française, celle de l'égyptologie. Le cours de l'histoire... Xavier Mauduit. Incroyable Égypte, fascinante Égypte, tout en Camon, les pyramides, le sphinx, les trésors ensablés, tous ces mystères, mais aussi les avancées de la recherche, l'intérêt porté sur la vie quotidienne, sur les conditions de vie des travailleurs, des femmes. Les avancées de la recherche, quand le regard du savant se porte vers le sud et vers les pharaons noirs, l'histoire d'une passion française, l'égyptologie. Dominique Balbel, bonjour. Bonjour. La passion française pour l'Égypte ne se dément pas. Il y a une constante pour cet intérêt. Je dirais même une addiction. Une addiction que vous constatez. Effectivement, il y a quelque chose, quand je disais de constant, qui est ponctué par ces grandes expositions. Nous avons vu récemment la grande exposition Toutankhamon avec un succès énorme. Comment expliquez-vous cette constante, cette addiction? Il y a des racines d'abord. L'expédition d'Égypte qui est à l'origine de tout. Avant l'expédition d'Égypte, l'antiquité égyptienne ne touchait pas le grand public. Quelques savants, depuis le Moyen-Âge ou la Renaissance, s'intéressaient à des aspects ésotériques de monuments égyptiens, mais ça restait l'affaire de quelques personnes de manière un peu mystérieuse et un peu à côté de la réalité de la culture égyptienne. Et puis avec l'expédition d'Égypte, ça a révélé et la venue en Égypte de tous ces savants, de tous ceux qui ont copié des monuments, qui les ont rendus accessibles. Puis après, d'autres pays ont fait des choses similaires. La découverte de la pierre de Rosette, qui est à l'origine tout de même du déchiffrement de l'écriture. Champollion. Ensuite, il faut rappeler que le service des antiquités d'Égypte a été créé par Mariette, que l'Institut français d'archéologie orientale a été aussi créé quelques années plus tard avec Maspero comme directeur. Que le musée du Caire, l'ancien musée du Caire, celui qui est au centre-ville, a été aussi dans les mains des Français et créé à partir de plans d'architectes français. Enfin, on est quand même à l'origine de beaucoup de choses. Et puis ensuite, je pense aussi au sauvetage de Nubie, où Christiane Desroches-Noblecourt et nos autorités ont joué un rôle absolument fondamental, et ce rôle a été joué parce que les relations avec les autorités égyptiennes étaient extrêmement chaleureuses et qu'on s'entendait particulièrement bien. Donc tout ça est une chaîne qui remonte très loin, et comme vous le disiez, ces grandes expositions continuent à sensibiliser un public. Moi je me rappelle par exemple, une fois j'étais dans une exposition, je ne sais plus laquelle, et une vieille dame disait à sa petite fille, se référait à l'exposition Toutankhamon. Et la petite fille ouvrait des yeux ronds en disant, Toutankhamon, c'est quoi? Et puis finalement, quelques années plus tard, tout le monde sait à nouveau qui est Toutankhamon. Donc il y a vraiment une chaîne ininterrompue, on l'entretient. Voilà, une chaîne ininterrompue. Dominique Valbel, vous êtes égyptologue, membre de la Société française d'égyptologie, professeur émérite à l'université Paris-Sorbonne et puis ancienne directrice de l'Institut d'égyptologie à Lille 3. Justement, j'aime beaucoup cette référence à la petite fille, parce que quand vous parlez de ces expositions Toutankhamon, la grand-mère évoquait celle de 1960. Et la petite fille a pu aller voir celle plus récente de 2019. Deux expositions qui se font écho. Exposition Toutankhamon et son temps, Petit Palais des Champs-Élysées, jusqu'en juillet 1967. Cette exposition se compose d'un choix d'objets précieux, beaux et mystérieusement envoûtants. Pharaon revient, Atone vivant, que ton aurore est belle. J'ai vu la première clarté de l'histoire de l'Égypte. C'est l'événement culturel de l'année. Toutankhamon, le plus célèbre des pharaons, fait son retour à Paris à l'occasion d'une exposition exceptionnelle à la Halle de la Villette. Toutankhamon était venu en France pour la première fois en 1967. Il a fait un grand succès avec 1 240 000 visiteurs. C'est le deuxième retour de Toutankhamon depuis. Pharaon revient. La descendance d'Aton, née de la chimère d'un pharaon poète, eut plus de chance que celle du patriarche de Karnak. C'est le dieu unique, Akhenaton, le notre père des chrétiens et des musulmans, qui fit ressurgir dans la poussière de Thèbes ses chapelles et ses mosquées. Mise en écho des deux expositions Toutankhamon, celle de 1967 et celle de 2019, par Esther Valenchich, qui réalise le cours de l'histoire avec aujourd'hui à la technique Nasser Moussaoui. Dominique Valbel, dans ce que vous nous avez dit, il y a ce moment important de l'expédition d'Égypte de Bonaparte. Nous sommes à la toute fin du XVIIIe siècle, mais vous l'avez déjà évoqué, il y avait un goût pour l'Égypte. Le goût pour l'Égypte était présent dès le XVIIIe siècle, mais plus dans quelque chose d'ésotérique. Là, nous touchons un peu le cabinet de curiosité. Oui, et et puis tous les grands noms de l'ésotérisme, évidemment, se réfèrent à l'Égypte, à tort ou à raison, d'ailleurs, en déformant beaucoup la matière même qu'ils utilisent. Avec nous aujourd'hui dans le cours de l'histoire, Bruno Ely, bonjour. Bonjour. Vous êtes conservateur en chef du musée Granet, c'est à Aix-en-Provence, et commissaire d'une exposition qui se tient en ce moment au musée Granet, Pharaon, Osiris et la momie. Quand nous évoquons le goût du XVIIIe siècle, et même peut-être avant, pour l'Égypte, tout de suite, vous avez envie de prendre la parole, parce qu'à Aix-en-Provence, il y a la preuve factuelle que ce goût était présent. Oui, vous venez de parler notamment d'ésotérisme, et nous avons au musée Granet, par exemple, un buste magnifique de Houdon qui représente Cagliostro. Cagliostro, un mage assez mystérieux, et qui en tout cas avait inventé à Lyon une franc-maçonnerie de rite égyptien. C'est donc déjà vers le milieu du XVIIIe siècle, cet engouement, cette passion aussi, cet intérêt, puis ce mystère aussi qui plane évidemment sur l'Égypte. Et puis vous avez évoqué aussi la curiosité. Évidemment, les cabinets de curiosité sont les fondements même, d'abord pour les amateurs, de ce qu'a été cet intérêt grandissant pour l'égyptologie, et notamment en Provence. Pour parler évidemment de ce qui nous touche directement à Aix-en-Provence, ces cabinets de curiosité ont été de plus en plus nombreux. À partir de la fin de la Renaissance, on peut dire que vraiment au début du XVIIe siècle, avec un érudit qui s'appelle Fabry de Peiresque, qui était un parlementaire aixois, mais qui avait un cabinet de curiosité et qui surtout était un homme universel, comme on aimait pouvoir penser l'être à cette époque-là, dans la suite de Léonard de Vinci et de cette connaissance encyclopédique. Et donc c'est quelqu'un qui... très tôt, dès le début du XVIIe siècle, va constituer une collection très diverse et dans laquelle l'Égypte va tenir une place très très importante. Alors pourquoi Aix-en-Provence des objets égyptiens? Eh bien tout simplement parce que Aix est à une trentaine de kilomètres de Marseille, que Marseille c'est la porte du Levant et qu'effectivement c'est par là que beaucoup, presque une grande majorité des objets égyptiens ont transité. Et donc on arrivait à Marseille et puis ensuite on venait dans la capitale de la Provence, qui je le rappelle jusqu'à la fin de l'Ancien Régime était Aix-en-Provence. Et là, ces objets trouvaient finalement une destination finale dans ces cabinets de curiosité. Et comme le musée Granet, dont je m'occupe, est en fait l'héritier de ces cabinets de curiosité, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons une collection importante d'objets égyptiens au musée Granet. Eh bien, petit tour au musée Granet. Dernier numéro de l'année 1965, du magazine régional des arts et des lettres, nous allons vous conduire à Aix-en-Provence. Il n'est pas trop de redire que cette ville est vraiment une ville d'art, et pour le prouver, je crois que c'est notre visite au musée Granet, qui est actuellement édifié dans l'ancien hôtel de Malte, qui va vous en persuader. Monsieur Balbos, qui est le conservateur de ce musée. Monsieur Balbos, bonjour. Ce que j'ai entendu dire à propos du musée Granet, qu'il était un peu le petit Louvre provençal. Ah, certainement, oui. Mais oui, nous revendiquons quand même d'être un des plus riches musées de France, des tout premiers, certainement, pour l'importance des collections. De Soleil et d'Azur, magazine des arts et des lettres, en 1965, va donner la parole à un de vos prédécesseurs, Bruno Ely, qui parlait d'un petit Louvre de la Côte d'Azur, vous êtes d'accord? Oui, j'ai bien connu Louis Malbos, qui était très très fier et à juste titre de son musée. Nous le sommes toujours. Ce musée d'ailleurs s'est aussi développé, rénové entre 2000 et 2006. Donc c'est un musée bien vivant, très actif, qui a eu la capacité de montrer aussi de très belles expositions. Je pense à Cézanne en Provence en 2006, par exemple, avec plus de 450 000 visiteurs. Alors évidemment, nous n'en sommes pas à Toutankhamon, mais pour un musée de notre dimension, un musée de région comme le nôtre, c'est évidemment important. Donc c'est un musée qui a des collections encyclopédiques, parce qu'il est l'héritier de cette grande tradition des musées née au XIXe siècle, à la suite de la Révolution française. Et notre musée a été créé en 1838. Et très tôt, dès 1860, l'intégralité de la collection égyptienne était entrée dans les collections du musée. Donc la collection égyptienne, les 153 objets égyptiens de notre collection, font partie de cette première époque du musée. Et c'est vrai que nous n'avions pas eu l'occasion depuis assez longtemps de pouvoir montrer une exposition sur ce thème. Pharaon, Osiris et la momie, justement, eh bien, c'est à la fois l'exposition, mais enrichie d'œuvres venues d'autres musées, notamment le Louvre, et puis toute votre collection, enfin en tout cas la collection du musée Granet. Bruno Ely, puisque cette collection vient de cabinets de curiosités, elle doit être très disparate. Oui, l'ambition que nous avions avec cette exposition, d'où le titre très large, c'était de parler de l'intégralité de la collection, c'est-à-dire de partir de l'objet le plus ancien, autour de 3500 avant Jésus-Christ, jusqu'à 200-300 après Jésus-Christ. Donc une très longue période qui couvre pratiquement une bonne partie, pour ne pas dire l'intégralité, de l'histoire de l'Égypte ancienne. Et c'est vrai que nous avons des objets très différents, très variés en fonction de leurs histoires et notamment de la manière dont ils sont aussi arrivés au musée. Alors, pour ne pas être trop long, prenons l'exemple d'une momie et de son sarcophage. Lorsqu'elle arrive dans 1863 précisément au musée, cet ensemble, il ne fait pas de doute que c'est une unité, que la momie va avec le sarcophage. Et c'est ainsi qu'elle rentre avec la donation bourguignon de Fabregoul, qui était un parlementaire aixois, un autre parlementaire aixois, et avec cette idée que, évidemment, c'était la momie et son sarcophage. Or, on s'est aperçu, en l'étudiant, que ce sarcophage était un sarcophage d'homme. Il y a plusieurs traces. D'abord, le nom qui est indiqué, Ptahirdis, qui est un nom masculin. Et puis, il y a l'emplacement de la barbe postiche. Et puis, il y a la peau très rouge, très soutenue, qui était celle des hommes dans la représentation de l'Égypte ancienne. Et il y a une radiographie qui a été faite en 1995, donc évidemment de notre ère, et en 1995, on s'est aperçu que cette momie était une momie de femme. Donc nous avons une momie de femme dans un sarcophage d'homme, ce qui est déjà un certain problème. Et puis, pour cette exposition, nous avons encore développé les études sur l'ensemble de notre collection. Et nous nous sommes aperçus au carbone 14, alors à 50 ans près, mais quand on parle de millénaire, qu'est-ce que compte 50 ans? Eh bien, nous nous sommes aperçus qu'il y avait une différence aussi très importante entre la momie et le sarcophage. La momie date à peu près de 900 avant Jésus-Christ et le sarcophage de 700-650 avant Jésus-Christ, donc 150, presque 200 ans de différence d'âge aussi entre le sarcophage et la momie. Donc évidemment, quand le donateur a fait ce geste généreux au musée, il ne pensait pas, il ne doutait pas qu'il y avait là une unité. Et bien effectivement, les choses sont beaucoup plus complexes qu'elles ne paraissent. Et l'intérêt aussi des expositions, tiens à cela Dominique Valbel, nous avons évoqué ces grandes expositions parce qu'elles sont médiateurs, elles permettent au large public de découvrir les œuvres et puis d'apprendre cette civilisation. Mais il y a tout ce travail en amont de recherche. Là, nous avons un très bon exemple avec la momie au musée Granet. Elles sont l'occasion de faire le point scientifique sur tout ce qui va être présenté. Et depuis maintenant un certain nombre d'années, les catalogues qui sont publiés à l'occasion de ces expositions sont des points utiles non seulement pour le grand public, mais également pour les professionnels. Donc ce sont des occasions très utiles à la profession aussi. Voilà, les coulisses, un peu la préparation des expositions, c'est toujours un grand moment parce que ça permet des découvertes, ça permet de faire des synthèses. Et après, ces synthèses sont diffusées à travers l'exposition et à travers le journal des actualités françaises. En Égypte, autour des ruines de Thèbes, le département des antiquités du gouvernement égyptien poursuit activement les travaux de mise à jour entrepris il y a plus de 10 ans dans la fameuse vallée des rois. On vient d'y découvrir la sépulture d'un prêtre vieille de près de 4000 ans et dont l'état de conservation dit tout le soin apporté par les Égyptiens dans la construction de leur tombeau. Mais c'est tout récemment que l'on vient de faire, après de longues fouilles, la découverte la plus importante. L'avenue des Sphinx, voie triomphale de plus de 4 km de long et qui reliait les temples de Louxor et de Karnak. Ensablés depuis des millénaires, les Sphinx de la vallée des rois ont revu les colosses d'Aménophis. Et après un sommeil de 34 siècles, une caméra a pu filmer pour la première fois l'extraordinaire sarcophage en or massif du jeune pharaon Toutankhamon, qui porte témoignage dans le temps de la perfection plastique atteinte par la statuaire de l'Égypte primitive. Dans les actualités françaises en 1949, c'est Toutankhamon qui est évoqué, Dominique Valbel. Nous voyons ici vraiment ce goût pour l'Égypte qui passait par la grande découverte. Ça existe encore aujourd'hui et nous le voyons bien dans les médias, la grande découverte exceptionnelle. Où en est-on aujourd'hui dans la recherche? Peut-être un point avant de vous répondre. Pour les égyptologues, la grande découverte, c'est pas forcément ce qui va retenir l'actualité. Ça peut être des archives très intéressantes, ça peut être par exemple la connaissance des villes que nous ne connaissions pas très bien parce que les villes modernes recouvrent la plupart des villes anciennes, ça peut être toutes sortes de choses qui sont moins médiatiques. Mais je voulais que vous le disiez, c'est très important aussi. Mais ces découvertes, alors il y a plusieurs niveaux dans les découvertes. Vous parliez, enfin on évoquait la découverte d'une momie ou d'un tombeau. Les Égyptiens avaient comme priorité de tout prévoir pour leur vie éternelle après la mort. Et donc il faut penser qu'on a les sépultures et les momies de gens qui ont vécu pendant plusieurs millénaires. Donc ça, on en trouve pendant encore des siècles et des siècles. Si vous faites une fouille à Saqqara, vous ne pouvez pas ne pas trouver un tombeau et des tas de momies, c'est clair. Mais indépendamment de ça, ce qui est frappant, c'est que même sur des sites extrêmement connus, là ça m'amusait parce qu'on parlait de la découverte de l'allée des sphinx entre Louxor et Karnak. Assez récemment, j'avais donné comme sujet de thèse à une de mes étudiantes de fouiller, on savait que ça existait, mais c'était complètement enfoui jusqu'à 2,50 m de hauteur, le trésor de Chabaka. Alors c'est trésor avec un grand T, c'est l'institution du trésor, hein. L'endroit où on recueillait l'ensemble des produits pour le culte dans le cadre du temple d'Amon. Eh bien, elle a fait des découvertes extraordinaires et tout le monument est enfoui presque jusqu'au plafond. On a des portes entières qui ont conservé leur couleur. Enfin, donc même à Karnak, on peut tous les jours faire des découvertes extraordinaires qui, elles, pourraient intéresser un public beaucoup plus large. Mais indépendamment de ça, on travaille maintenant sur des zones qui n'étaient pas explorées à l'époque, qui sont dans les déserts, dans des zones limitrophes de l'Égypte et même au Soudan, où la réciprocité des cultures est un aspect indispensable de l'étude de la culture égyptienne. Oui, parce que, eh bien, il y a ces deux aspects, au-delà de ce qui a longtemps été présenté comme l'essentiel de l'archéologie, la grande découverte, c'est cet intérêt pour les petites choses, pour le détail des vies quotidiennes, et puis sortir de la zone de géographie et aller vers le Soudan. Et ça, c'est très important, alors, Dominique Valbel. Il y a pas que des petites choses dans les grandes découvertes. Il y a celle de Pierre Tallet qui m'a succédé à la Sorbonne et qui a découvert le plus ancien port au monde, au Wadi El Jarf, et les papyrus de l'époque de Khéops. Les plus vieux papyrus aussi. Parmi les plus vieux, oui. Que l'on connaît. Vraiment très intéressant puisque c'est très drôle parce que le maître d'œuvre qui est allé dans ce port a emporté son journal sous le bras et il est resté sur les bords de la mer Rouge, alors qu'une grande partie de ces textes concerne le transport des pierres pour la construction de la pyramide de Khéops. C'est très amusant, évidemment. Donc ça, ce sont quand même des découvertes qui intéressent aussi le grand public. C'est pas une Exactement, ça intéresse le grand public et puis ça apporte énormément d'informations. Vous allez me corriger si je dis une bêtise, que la énième momie que l'on connaît déjà assez bien. Puis, je vous dirais franchement mon sentiment, les Égyptiens se sont donné tellement de mal pour avoir une sépulture qui les protège, ça me gêne beaucoup qu'on fouille des tombeaux et qu'on déterre des momies. Personnellement, depuis le début de mes études en égyptologie, ça m'a toujours gêné. Donc je me suis intéressée plus aux vivants qu'aux morts. Ah d'accord, c'est intéressant que vous disiez ça parce que c'est quelque chose qui apparaît comme réaction dès qu'il est question d'une découverte d'un tombeau. Attention, laissez-les aussi reposer en paix. C'était leur aspiration. Moi, je respecte beaucoup les aspirations des gens, quelle que soit leur religion. Et bien dire combien les archéologues font très attention justement à ces questions-là au moment d'une fouille. Ça fait partie aussi du métier, parce qu'il n'est pas question de déranger Pharaon. Le mec s'appelle On. Il dit c'est comme il avait un phare. France Culture. Il dit c'est le Pharaon. Le cours de l'histoire. Le mec s'appelle On. Et lui, il lui dit c'est son phare. Xavier Mauduit. Le mec qui lui dit c'est son phare, tu comprends ce que je te dis? Mission Cléopâtre, le pharaon. Bruno Elie, justement, dans les collections du musée Granet, vous avez des œuvres qui proviennent de cabinets de curiosités. Donc, on ne peut pas dire que ce sont des égyptologues qui ont choisi ces œuvres. Il n'y a pas une réflexion autour de la construction de cette collection. Malgré tout, comment pouvez-vous essayer d'identifier les choix qui ont été faits ? L'esthétique primait, le côté imposant, la curiosité ? Oui, sans doute l'esthétique comptait beaucoup quand on regarde la qualité des objets qui se trouvaient dans ces cabinets de curiosité et donc en partie au musée Granet aujourd'hui. Il y a effectivement cette qualité esthétique. Et puis, il y avait aussi le peu que l'on pouvait connaître de cette civilisation qui devait apporter des éléments d'intérêt supplémentaires. Alors pensons toujours qu'avant 1822, n'ayant pas déchiffré les hiéroglyphes, le mystère était très grand. Et puis petit à petit, évidemment, avec l'apport de Champollion, les choses se sont petit à petit améliorées et on a pu rentrer plus avant dans l'histoire de cette civilisation. Et en parlant de Champollion, d'ailleurs, on peut parler de François Salier, qui a été un de ces collectionneurs aixois du 19e siècle, lui. Et il a été notamment capable de constituer une si belle collection que lorsque Champollion va partir en Égypte, d'ailleurs le grand spécialiste de l'Égypte n'a fait qu'un seul voyage en Égypte, hein, il y va en 1828, il en revient en 1830, et bien à son voyage aller et à son voyage retour, quand il va embarquer et quand il débarque, et qu'il revient d'Égypte, il s'arrête à Aix-en-Provence et il vient visiter le cabinet de curiosité de François Salier. Ça veut dire qu'effectivement, dans ce cabinet, il y a à la fois de très belles pièces, dont une se trouve au Louvre et que nous avons emprunté et donc fait revenir ici à Aix, deux prêtres de Ptah que le roi avait acheté en 1816 pour le Louvre. Et il vient surtout consulter un ensemble de papyrus absolument remarquable, tellement remarquable qu'en 1839, quelques années après la mort du collectionneur, le British Museum va acheter l'ensemble de ces papyrus, qui s'y trouvent d'ailleurs toujours, et il avait pris un certain temps à notamment les déchiffrer, ce qui avait créé à Aix-en-Provence une émulation tout à fait extraordinaire. Et la ville d'Aix, en tout cas au moins les érudits, ceux qui s'intéressaient à ce sujet, s'étaient trouvés transportés de ce que justement François Salier ait eu sa collection étudiée par Champollion. Oui, parce que Champollion reste le nom de référence, mais il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres gens autour de lui, c'est important de le dire. Et Bruno Elie, sur ces papyrus qui ont été vendus au British Museum, eh bien, nous pouvons en trouver la trace, mais une trace ancienne dans votre musée, le musée Granet. Oui, nous avons pu retrouver notamment dans la famille du collectionneur d'autres papyrus qui avaient été conservés et que nous montrons donc dans cette exposition. C'est la première fois que ces objets sont présentés. Et puis nous avons aussi, par exemple, une très très belle stèle qui représente Osiris, Isis, Anubis, Horus et qui est très intéressante parce que la partie de droite où se trouvait le donateur, celui qui avait effectivement commandé cette stèle, l'endroit où il était représenté a été martelé. Et c'est une trace assez extraordinaire de ce qu'on appelle une vindicte, une vengeance. Et donc, on a martelé exclusivement la représentation du défunt, que l'on voulait voir disparaître de toute existence même humaine, puisque dans le cartouche qui est avec l'ensemble des hiéroglyphes parfaitement bien conservé, on a une toute petite partie martelée qui est le nom aussi du défunt. Donc, en faisant ainsi, et si l'on avait pour le coup détruit aussi la momie, il ne restait plus rien de cet être. Et puis, dans cette histoire de passion française pour l'égyptologie, Dominique Balbel, nous avons le voyage au cœur de tous ces questionnements, le voyage en Égypte sans doute, mais pas seulement. Les collections sont extrêmement dispersées, nous le voyons bien à Aix. L'égyptologue que vous êtes doit fouiner partout, chercher partout pour créer ces liens, retrouver en fait les traces du passé. C'est certain, ça m'avait amusé. J'ai fait ma thèse d'état sur Deir el-Médineh, qui est un lieu particulièrement riche en monuments. Et je pensais notamment pour la première tombe qui a été trouvée là-bas, que pour reconstituer l'ensemble du mobilier funéraire, eh bien, on pouvait se payer un tour du monde. Parce qu'il y en a même en Australie, il y en a un peu partout. Surtout à une époque où on donnait aux gens aux mécènes qui avaient permis les fouilles certains objets en remerciement. Donc ça s'est dispersé encore plus. Voilà. Et puis il y a eu les achats à certaines époques, etc. Maintenant évidemment les choses sont beaucoup plus codifiées et se promènent moins. Heureusement, et puis on sait malgré tout, il faut le rappeler sans cesse, combien il faut se méfier de tous les pillages qui ont cours et marché de l'art obscur, de l'art antique, dont il faut se méfier. Mais il y a en permanence une veille, aussi bien une veille depuis l'Égypte que de tous les pays concernés, et ça nous est arrivé plusieurs fois d'avoir le signalement de vol, notamment certains des vols de nos fouilles au moment de la Révolution, on a pu faire bloquer ces objets et les renvoyer en Égypte. Voilà, les renvoyer en Égypte, alors par bateau, par avion, ou pourquoi pas en marchant, mais en marchant comme un Égyptien. Bengals qui marchent comme des Égyptiens dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Marion Dupont, Toscan Judès, Odile Jouessel, Juliette Corbel-Vivas et Maïwenn Guizhou, le cours de l'histoire qui s'intéresse à la passion française pour l'Égypte. Une passion qui nous conduit en Égypte, bien sûr, telle que nous l'imaginons, le long du Nil, mais Dominique Valbel, cette Égypte doit être comprise de manière beaucoup plus large. Et vous travaillez sur le Soudan. Quel est ce lien? Quelle est cette civilisation autre ou la même qui nous relie au Soudan? Alors d'abord, si nous sommes fascinés par l'Égypte, les Égyptiens étaient fascinés aussi par le Soudan et par tous les produits qui en provenaient, par la culture soudanaise, puisqu'on a des témoignages qui remontent à l'ancien empire assez abondants, et des explorateurs égyptiens de ces époques ont été dans ces régions, et ils ont lié des liens institutionnels très forts, puisque les fils des rois nubiens venaient se former à la cour d'Égypte, et pendant toute l'histoire de ces deux pays se sont apportés énormément sur le plan culturel notamment. Donc l'intérêt pour la culture de ces pays vient un peu de l'Égypte, c'est-à-dire que ce sont d'abord des égyptologues qui ont poursuivi leur intérêt vers le sud et ont commencé à découvrir des sites cherchant plutôt l'Égypte au-delà de la frontière officielle actuelle, parce que l'Égypte a conquis à certaines périodes le Soudan, parce que le Soudan est revenu défendre les intérêts de l'Égypte à la 25e dynastie contre les Assyriens. Donc, il rendait à l'Égypte la culture qui leur avait été apportée. Et aussi bien sur le plan religieux que sur beaucoup d'aspects, on voit des échanges extrêmement profonds et de très grande qualité entre ces pays. Alors, il se trouve que depuis maintenant un grand nombre de décennies, d'âge. Charles Bonnet, en particulier, c'est lui qui est à l'origine de ces découvertes, a fouillé le site de Kerma, qui était la capitale du pays de Kouch, le pays des pharaons noirs. Et Il a surtout, il s'est beaucoup intéressé à la ville, notamment. Il a pu démontrer tout l'intérêt de la culture de ces gens qui étaient considérés comme des sauvages. Et on attribuait tout ce qui était intéressant sur ce site aux Égyptiens, alors que c'était vraiment de la culture locale, quels que soient les liens entre les deux pays. Donc, il y a d'abord eu pendant des dizaines d'années la découverte de cette ville. Et tout l'intérêt que présentait cette culture. Et puis, depuis une vingtaine d'années, nous travaillons sur un site qui est à 1 kilomètre au nord de Kerma, Doukigel, la colline rouge, qui avait comme nom ancien le Jujubier. C'est joli le Jujubier, comme nom ancien. Et là, nous avons la chance d'avoir à la fois les vestiges égyptiens, les vestiges des dynasties napatéennes et méroïtiques qui ont succédé à l'occupation égyptienne, mais surtout depuis quelque temps, une nouvelle architecture qui ne ressemble absolument à rien de connu, des temples en forme de fleurs avec des cercles et des petits bastions autour, d'immenses palais cérémoniels avec des centaines de colonnes pour les maintenir, tout ça en briques crues, des fortifications gigantesques qui répondent aux fortifications de la deuxième cataracte égyptienne, enfin une culture inconnue et qui, à notre sens, à partir du moment où vous avez plusieurs palais cérémoniels contemporains, ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes de même rang en même temps. Et donc, il y a, juste avant l'arrivée du Covid, il y a eu la découverte d'un bâtiment extraordinaire qui, à notre sens, était le quartier général des coalitions contre l'Égypte, puisqu'on a des pièces où on a des grands sièges pour les hauts dignitaires et des sièges plus petits pour des personnages moins importants autour de grandes tables. Donc, il n'y a aucun doute qu'on a la réunion de personnages de très haut rang et on est juste avant la conquête égyptienne du début du Nouvel Empire. Dans le cours de l'histoire aujourd'hui, nous nous intéressons à la passion française pour l'égyptologie. Dominique Valbel, vous nous en donnez une explication. C'est ce mystère, c'est tout ce qu'il reste à découvrir. Nous sentons la passion quand vous parlez. Et là, nous sommes en plus sur des territoires beaucoup plus larges que le champ qui a longtemps été réservé à l'égyptologie. On ne sait rien de l'Antiquité, de l'Afrique à ces époques-là, au troisième millénaire, au deuxième millénaire. On passe carrément de la préhistoire au Moyen-Âge. Dans le meilleur des cas. Ici, on a des témoignages véritablement qui montrent qu'on a des empires d'une importance considérable, qu'on a une culture qui existait à ces moments-là et qu'il faut restituer à l'Afrique. Alors, c'est pas toujours très facile à trouver, surtout si c'est en briques crues, si c'est un pays de termites, tout ce qui était en bois a disparu. Beaucoup de ces vestiges sont certainement dans des pays de forêt aussi. Bref, la découverte sera longue. Mais le fait que ces gens soient venus à côté de Kerma et qu'il y ait eu ces alliances a permis de révéler l'existence de ces cultures d'une importance considérable. Culture d'une importance considérable qui explique cette passion et d'autres éléments sont à prendre en compte pour la fascination pour l'Égypte antique. La mort notamment, André Malraux nous explique. Ce qui paraît ici, dans cette présentation si particulière, c'est l'incroyable leçon que l'Égypte aura pu donner sur la vie. On a écrit depuis Champollion que c'était le pays de la mort. Cet art qui est si souvent funéraire n'est à peu près jamais proprement funèbre. Autrement dit, l'Égypte n'a jamais connu le squelette. Ce qu'elle allait chercher dans la mort, c'était précisément la suppression de la mort, le fait de concevoir la vie humaine comme une éternité. L'Égypte antique aura joué cette partie incroyable en face du destin, qu'ayant presque exclusivement représenté des morts, elle aura été l'actrice la plus puissante de la vie qu'on ait jamais connue. André Malraux, ministre de la Culture, qui s'exprimait en 1967 au moment de l'inauguration de l'exposition Toutankhamon. justement dans cette idée de la mort, pour expliquer notre fascination, ce que l'Égypte allait chercher dans la mort, c'est justement la suppression de la mort, disait André Malraux. Bruno Elie, dans vos collections au musée Granet et dans l'exposition que vous présentez, Pharaon, Osiris et la momie, il y a la mort au centre de la réflexion. Mais c'est non pas parce que nous avons beaucoup de vestiges liés aux sépultures, c'est aussi parce que la mort est essentielle pour comprendre la civilisation égyptienne. Oui, puisque finalement, après la mort, il y avait cette renaissance, et que cette renaissance amenait donc à cette vie éternelle, et que cette vie éternelle devait, dans beaucoup d'aspects, ressembler à celle de la vie terrestre. Et de ce point de vue-là, les objets accumulés dans les tombes, notamment, nous permettent de restituer cette vie. Par exemple, dans l'exposition au musée Granet, nous avons notamment des tubes à colle qui sont tout à fait intéressants, et notamment en particulier avec son petit couvercle en os qui pivote, et puis ces cinq petits tubes juxtaposés dans lesquels il y avait ce fameux col qui permettait de se maquiller, notamment les yeux, et qui nous parle de cette vie quotidienne. Et puis nous avons aussi ces fameux chapti, qui sont ces petits personnages que l'on retrouve beaucoup dans les collections, parce qu'il y en avait beaucoup dans les tombes. Et plus on était un personnage important, plus on avait des moyens pour avoir ces genres de petits personnages, de serviteurs, et plus on était effectivement un personnage important, et il devait réaliser les travaux de la vie. C'est-à-dire que les Égyptiens, finalement, de l'ancienne Égypte, étaient un peu comme nous. Ils aimaient plutôt ne pas travailler, et donc faire travailler les autres. Et ces petites figurines que l'on retrouve dans une grande vitrine que nous avons dans l'exposition, il y en a une bonne quarantaine, alignées ainsi de différentes périodes, de différentes matières. Il y en a en bois, il y en a en terre cuite émaillée, il y en a en pierre incisée. Et donc, ces petits ouvriers devaient réaliser les travaux du quotidien dans la vie éternelle, pour permettre donc à ce défunt de pouvoir rester le plus tranquillement possible et vivre à loisir dans cette vie éternelle. Et puis nous avons aussi une des très belles pièces qui nous a été prêtée par le Louvre, parce qu'il faut le rappeler, cette exposition est co-organisée avec le département des antiquités égyptiennes, et nous avons pu bénéficier d'un de ses conservateurs émérites qui s'appelle Christophe Barbotin, et qui connaît bien notre collection puisqu'il a travaillé sur cette collection depuis 1985 et jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est grâce à lui et avec lui que nous avons monté ce beau projet, et dans lesquels il y a effectivement, dans toutes ses trouvailles, dans tout le travail qu'il a réalisé, la mise en valeur de l'ensemble de ces objets, et beaucoup de ces objets effectivement ont un lien avec la mort, et surtout non pas la mort mais cette vie après la mort. Et donc ce fameux prêt important fait par le Louvre, c'est un livre des morts de la dame Tabaaket, qui, une fois déroulée, développe plus de 18 mètres de papyrus. Et ça, c'est vraiment un des moments forts aussi, évidemment, de notre exposition. Et sur ce livre des morts, il y a au milieu des prières, incantations qui devaient permettre d'accéder à la vie éternelle, le jugement d'Osiris, le tribunal d'Osiris, avec cette fameuse pesée du cœur de l'âme, ici en l'occurrence donc de cette défunte, cette dame Tabaaket, et effectivement d'avoir Anubis, Horus, qui préside au pèsement du cœur, et puis cette forme de plume, mais qui veut dire beaucoup plus qu'une plume en réalité, puisque hiéroglyphiquement parlant, c'est plutôt la sincérité, la vérité qui se trouve contrebalançant le cœur. Et si effectivement la balance est équilibrée, Thoth, le dieu Thoth, avec ce dieu à tête d'ibis, va inscrire le nom de la défunte, et la défunte ne sera pas dévorée par ce monstre qui se trouve aussi au pied d'Osiris, qui ressemble un peu à un gros hippopotame hybride. Et puis Osiris qui domine ainsi la scène, surdimensionné dans sa position momiforme, puisqu'évidemment il est le prototype même de la momie. Et puis tout ce travail de médiation, ce travail pour expliquer les œuvres, Bruno Elie, c'est ce qui est proposé aussi au musée Granet, mais comme dans la plupart des musées aujourd'hui, parce que voir les œuvres, voir un livre des morts, on ne comprend rien en vérité. Donc travail de médiation pour les grands et pour les petits, avec en vérité une lecture par les grands de ce qui est prévu pour les petits, ça va vite et on comprend très très vite de quoi il est question. Dominique Valbel, dans le même temps, ce travail de médiation vers le grand public, il y a cette recherche qui avance en Égypte, toujours aujourd'hui. c'est vrai que la situation géopolitique a toujours des incidences. Il y a toujours des moments où nous ne pouvons plus aller. Je pense au Soudan, c'est plus compliqué parfois. Situation du Soudan, effectivement, est un peu compliquée en ce moment. Mais les Soudanais sont extrêmement positifs et accueillants. Ils sont très sensibles à cette collaboration que l'on mène depuis des années avec eux. Et ils facilitent toutes les interventions possibles. Cette année, nous n'y sommes pas allés, mais c'était tout à fait exceptionnel. Et vous voyez, il y a en 2003, nous avons trouvé, vous parliez des pharaons noirs tout à l'heure, nous avons trouvé cette cachette avec cette statue monumentale magnifique. C'est une découverte complexe à gérer. Eh bien, les ministres étaient là le lendemain, puisque nous avions tout de suite prévenu, mais ils nous ont tout de suite dit: on met tout à votre disposition. La télévision a filmé 5 minutes. Et ensuite, on avait l'armée qui protégeait le site. Et on gérait comme on le souhaitait toute la suite de cette fouille, qui a pu être faite de la manière la plus minutieuse, dans les meilleures conditions. Non, le travail au Soudan est vraiment très facilité. Alors, ça compense la situation politique qu'ils doivent eux-mêmes rencontrer, parce que évidemment ils ont réussi une révolution, mais maintenant il faut la transformer en vie quotidienne plus douce. Quant à l'Égypte, eh bien la situation aussi a pu être compliquée géopolitiquement. Enfin, il y a eu la révolution, il y a eu une série d'attentats qui a mis à mal le tourisme, il y a la pandémie aussi, et justement le ministre égyptien des Antiquités s'est exprimé. C'était au moment de l'exposition Toutankhamon à Paris, c'était en 2019. Vous avez cette égyptomanie dans le sang depuis l'école primaire, depuis que vous êtes élève, depuis que vous apprenez à étudier Isis et Osiris, Ramsès, les momies, ce monde mystérieux qui nous fascine tous les jours. Et je crois que les Français, toujours, ils ont eu cette sensation d'avoir contribué à la naissance de cette science et de son évolution, de son étude, donc d'où ce lien spécial avec la France. France Culture. Par le pouvoir de Ra. Le cours de l'histoire. Mout. Nout. Xavier Mauduit. Ptah. Neftis. Nermet. Sobek. Sekhmet. Sokar. Selket. Reshbu. Ouadjet. Anubis. Anoukis. Seshbu. Meshret. Hemsut. Tefnut. Heket. Maftet. Ra. Mout. Nout. Ptah. Hemsut. Tefnut. Sokar. Dominique Valbel, je vois votre regard interrogatif en disant: mais quelle est cette archive complexe sur les dieux égyptiens? En fait, c'est le prince d'Égypte, le dessin animé de Walt Disney. C'est très bien fait. Il travaille très bien, justement. Quand nous entendons le ministre égyptien des Antiquités évoquer le lien avec la France, nous pensons aussi... Vous remarquez qu'il parle un français parfait et qu'il a fait sa thèse à Montpellier. Français parfait et surtout conscience de cette histoire qui nous relie à l'Égypte. L'Égypte qui annonce régulièrement des grandes découvertes, mais dans sans doute une volonté de faire venir les touristes, qui se défend complètement. Comment lisez-vous cela, Dominique Valbel, au moment où, à chaque découverte, nous avons des réactions de gens qui disaient « Attention, attention, ne nous enflammons pas, ça a déjà été fouillé, ne nous enflammons pas, ce n'est pas si considérable que cela. » Vous hésitez diplomatiquement. Non, mais c'est... C'est-à-dire qu'il y a des points de vue différents sur l'intérêt des découvertes aussi. Et je comprends que l'Égypte, qui vit beaucoup de son tourisme, d'ailleurs le ministère des Antiquités est maintenant le ministère des Antiquités et du Tourisme, souhaite évidemment retrouver les visiteurs. La situation est un peu complexe parce qu'on sait que la pandémie a beaucoup touché l'Égypte aussi, et il faut être très prudent. Mais il y a effectivement, quelles que soient les annonces qui sont faites, il y a effectivement, y compris dans la situation complexe où toutes les missions n'ont pas pu venir, mais beaucoup de missions françaises sont venues quand même cette année, notamment l'Institut français d'archéologie orientale du Caire a pratiquement fait fonctionner, quand elles étaient autorisées par les Égyptiens, la plupart des missions prévues. Donc, il y a constamment, la recherche continue et des découvertes continuent en permanence. Et c'est tant mieux. C'est absolument tant mieux pour l'Égypte, c'est tant mieux également pour le public, parce que nous c'est adorons une ça. Parenthèse difficile, c'est ouais. Tout. Et puis c'est tant mieux aussi pour les chercheurs, parce qu'il y a beaucoup de choses à découvrir. Bruno Elie, justement, dans cette passion française pour l'archéologie, c'est quelque chose que vous constatez, j'imagine, sans cesse avec vos visiteurs, même les plus jeunes? Oui, c'est une grande constante et c'est vrai que ces expositions sur l'Égypte attirent dans nos musées un public vraiment familial, encore plus familial que d'habitude, et que ce soit des plus jeunes jusqu'aux plus âgés, avec toujours cette même curiosité, ce même intérêt. Et j'aime beaucoup le mot curiosité, pour moi c'est un mot essentiel, hein, qui appartient vraiment à l'homme et qui lui permet d'évoluer, qui lui permet de remettre en cause aussi constamment les choses. Donc je pense que l'Égypte participe à sa manière en maintenant cette avidité, cette curiosité toujours en éveil et finalement toujours alimentée, puisque nous disions tout à l'heure qu'il n'y en avait pour des siècles et des siècles. Évidemment donc, l'égyptologie a encore une longue vie devant elle. Et c'est tant mieux. Merci beaucoup Bruno Elie. Je rappelle, hein, vous êtes au musée Granet, là où l'on peut voir cette exposition Pharaon, Osiris et la momie. Merci aussi aux équipes de France Bleu Provence. Et puis merci à vous, Dominique Valbel. Et je rappelle votre ouvrage avec Charles Bonnet et Séverine Marchi, Le Jujubier, ville sacrée des pharaons noirs. Voilà, encore énormément d'envie pour poursuivre l'actualité de l'égyptologie. Mais pour le moment, l'actualité pour nous, c'est le journal de l'histoire d'Anaïs Kia. Bonjour Anaïs Kien. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Le dernier anniversaire de Tito en Yougoslavie, ou comment se séparer en dansant? Pour le pays qui les accueille, les Jeux Olympiques constituent une vitrine qui permet une belle promotion nationale grâce à la couverture mondiale de l'événement, un reflet politique de la vitalité d'une nation. Il est donc difficile d'y renoncer, mais un échec reste cuisant dans la mémoire de cet événement planétaire. Les tergiversations du Japon liées au contexte sanitaire l'ont bien montré ces dernières semaines, alors que les premiers sportifs peuplent progressivement le village olympique de Tokyo. Le sport, c'est très politique, et notamment lorsque le spectacle est investi d'une portée symbolique aussi lourdement chargée en enjeux extérieurs, mais aussi intérieurs. Les citoyens du pays hôte en sont les premiers voisins de proximité, juges et spectateurs. C'est justement à l'occasion d'un événement à la croisée du sport et de la politique que les divisions éclatent au grand jour en 1987 en Yougoslavie pour ne plus jamais se taire. Une rencontre sportive est organisée pour célébrer l'anniversaire de Tito, qui avait gouverné la fédération depuis la Deuxième Guerre mondiale d'une main de fer. Tito est pourtant bien mort depuis 7 ans, mais la fédération yougoslave ne manquait pas de continuer à le célébrer chaque année pour se rappeler peut-être que malgré les coups de canif fréquents infligés à l'Union des républiques et des provinces qui la constituaient encore, elle était bien là, solide et sans doute sur elle-même, en tout cas suffisamment jusque-là, avant l'éclatement fratricide de la Yougoslavie, qui se prépare pour les 10 années à venir. En Yougoslavie, c'est dans un stade que les dissensions entre ces nations constituantes éclatent au grand jour. Le culte de la personnalité vouée à Tito restait jusque-là un ciment efficace entre la Slovénie, la Croatie, la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro, la Serbie, la Macédoine du Nord et le Kosovo, qui composent la Yougoslavie. Efficace jusqu'à ce 25 mai 1987. Comme chaque année, donc, une course de relais sur plusieurs milliers de kilomètres est organisée. Les coureurs et les coureuses rapprochent progressivement des staffetas, des bâtons ornés de vœux d'anniversaire jusqu'à leur destination finale, Belgrade. Mais cette fois-ci, la cérémonie déraille et laisse exprimer les dissensions qui ne peuvent plus se taire. Kao što vidite, kolo je krenulo složno. Ali nešto počinje da se dešava. Dans le stade de Belgrade ce 25 mai, Des danseurs et des athlètes sautillants évoluent en groupe géométrique dans une chorégraphie parfaitement réglée pour composer une étoile soviétique humaine aux couleurs de la Yougoslavie. Mais tout à coup, la commentatrice de la télévision s'étonne. Il se passe quelque chose. Chaque groupe danse désormais de son côté, brisant l'harmonie savamment élaborée entre toutes les composantes de la Yougoslavie. La Serbie d'abord, puis c'est au tour de la Croatie et enfin de la Bosnie-Herzégovine. Progressivement, le collectif se désintègre. Les républiques et les provinces se détachent de l'ensemble. Chacun danse désormais au rythme de son propre hymne national, et c'est bien ce qui se prépare. L'explosion des nationalismes exaspérés qui s'apprêtent à mettre un point final à l'histoire de la Yougoslavie. La commentatrice met en garde, il s'agit d'un avertissement. Devant ses yeux, un chaos aux couleurs de la Yougoslavie continue sa danse de la rupture. Ce jour-là, dans le stade de Belgrade, on s'était mis d'accord pour ne plus l'être d'accord et pour le montrer. La consécration d'une séparation entamée dans un geste chorégraphié, un ensemble qui se désarticule et qui le revendique pour la dernière fois collectivement. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, des émissions à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'appli Radio France, des émissions à commenter sur le groupe Facebook, le cours de l'histoire. Toutes les émissions de la semaine sont à retrouver autour de la sécurité et débat électoral, bien sûr, mais à l'ombre du crime dans la France des Lumières, la sécurité quand on arrive en ville ou encore identifier les criminels. Et puis, dès demain, à 10h sur France Culture, vous retrouvez Jean-Noël Jeannet pour Concordance des temps qui s'intéresse au théâtre. Et nous, la semaine prochaine, attention, grand oral, une histoire de l'éloquence.